Le bossu napolitain par Charles Buet. Il y avait une fois à Naples un pauvre homme bien malheureux, bossu par devant, bossu par derrière, d'une laideur idéale, le nez en bec d'aigle et le menton en galoche, roux de cheveux, maigre comme un clou. Ce triste air, pour comble de malheur, avait beaucoup d'esprit. On l'appelait le signor Pulcinella. Quoiqu'il ne fréquentât aucun philosophe et qu'il ne connût pas plus Socrate que Platon, Voltaire que Jean-Jacques, si la philosophie n'avait pas existé, il l'aurait inventée. Il prenait le temps comme il venait, l'argent pour ce qu'il valait et les gens pour ce qu'ils étaient. Comme il n'y a pas de loup à Naples, il ne hurlait pas avec les loups, mais il mendiait avec les lazzaroni, clabaudait avec les commères, bavardait avec les bavards, dormait avec les paresseux et travaillait, quelquefois, avec les laborieux. Il était de l'avis du sage Thalès, lequel prétendait que mieux vaut être assis que debout, couché qu'assis, mort que couché. C'est dire qu'il ne faisait œuvre de ses 10 doigts, prenant grand plaisir à flâner sur le quai de Santa Lucia, à jouer à la mora dans les tavernes de Chiaggia, à faire girella dans les rues infectes qui avoisinent le château de Laff. Il disait alors la sévérité à chacun, raillant sans pitié les vices de la noblesse, les ridicules du mezzocitto, les préjugés du peuple. Il réglait les destinées des empires, médisait les rois passés, présents et futurs, plaisantant le roi Naso, raillant le roi Nasone, et criant contre le roi Bomba, qu'il exemptait d'impôts. Il vivait de rien. Vous savez ce que c'est que le cocomero? Non. C'est une pastèque à peau verte, à chair rose, spongieuse, pleine d'eau, et toute la journée, les estimables marchands de ce président de la République des fruits vous crient à l'oreille « Per due grani si mangia, si beve e si lava la faccia. » Pour 2 centimes, on boit, on mange, on se lave la figure. Avec une tranche de cocomero, un oignon, une pincée de macaroni, une tomate, Polichinelle faisait un festin qui lui comparait aux orgies de feu Balthazar. Cet épicurien ne dépensait pas au-delà de 6 écus par an et vivait comme un prince. Il ne connaissait qu'un seul ennemi, le personnage qu'on nomme à Rome Barigel, à Paris commissaire de police, à Naples je ne sais plus comment, surtout depuis que Naples a reçu la lumière du Nord. C'est que Pulcinella narguait 100 fois par jour la police et ses règlements. Or, s'il est avéré qu'un règlement est fait pour n'être pas observé, il est non moins certain que ce n'est point aux gens de peu qu'il est permis de le violer. Pulcinella marquis, baron ou seulement prince, il y avait dans l'état de Naples plus de princes que de principautés, aurait impunément décroché les enseignes, rossé le guet, brisé la vaisselle des tavernes, maraudé, coupé les bourses, donné maintes sérénades. Pulcinella, petit bourgeois et bossu, devait respecter la propriété et ne se divertir qu'à 8 clous. Un beau jour, Pulcinella s'avisa de prendre femme. Il dénicha, on ne sait où, une ravissante jeune fille, belle, sage et bien dotée, qui daignait devenir Madame Polichinelle et qui entreprit de réformer son époux, ce à quoi elle réussit. La pauvrette, bonne et douce créature, eut du fil à retordre. Néanmoins, elle convertit le bossu qui devint une manière d'honnête homme. Il n'avait conservé qu'un défaut, l'un de ceux dont on ne se corrige jamais, il s'enivrait. Non pas qu'il eût à oublier quelques méfaits, qu'il fût ivrogne ou qu'il cherchât l'occasion. Il buvait pour passer le temps et but si bien que la dot de sa femme coula dans son gosier. Une fois ruiné, il se corrigea. Le bon Dieu lui avait envoyé 5 marmots, 5 garçons beaux à miracle, jolis comme des cœurs et spirituels autant que papa, encore qu'ils ne fussent pas bossus. Il fallait nourrir cette famille, habiller les enfants, vivre décemment, car désormais, cocomero et tomates n'étaient qu'un maigre régal et Pulcinella aimait le rôti. Que faire? En ce temps-là, de Lazzarone, on ne devenait pas ministre, ni de bavard, orateur. Quand il y avait une place et qu'il y fallait un calculateur, on ne la donnait pas à un danseur, comme le dit méchamment Figaro. Pulcinella se serait fait soldat, s'il n'avait eu peur des coups de fusil. Marchand, s'il n'avait craint la faillite. Artisan, s'il avait eu du goût pour le travail. Professeur, si la concurrence ne l'eût découragé. Homme d'État, s'il eût habité un pays que vous connaissez bien, au lieu d'honorer Naples de sa prédilection. Mais le roi Bomba chassait de chez lui tous les rabagas qu'il y trouvait, et Pulcinella n'eut même pas la pensée d'organiser une petite émeute. Il se dit que mieux vaut faire rire son prochain que de le faire pleurer, et se fit batteleur, jongleur, improvisateur, prestigitateur, selon l'occurrence. Il acheta deux tréteaux et une planche, s'installa au beau milieu d'une place, entre un palais et une échoppe, et inventa des histoires pour les conter à ses bons amis, les Lazzaroni. Une pluie de granit tombait dans sa sébile. Il les transformait en carlins, en piécettes, en ducats, et moyennant son esprit, il devint quasiment riche. Madame Polichinelle restait à la maison, soignant son ménage, élevant ses enfants, bâtissant des châteaux en Espagne. Pippo serait moine, Giannino avocat, Zozo médecin, Carlino poète, Tonio peintre, et tous les cinq musiciens. Elle les voyait millionnaires, mariés à des filles de banquiers, ou pour le moins à des princesses. En attendant, elle raccommodait leurs choses, trouillait aux genoux et ailleurs, lavait la vaisselle et cuisinait le macaroni patriotique. Il advint que Pulcinella, ayant de l'argent en poche, une maisonnette bien garnie, une famille nombreuse, et voyant qu'il devait tout cela à son esprit, s'avisa de penser que puisqu'il avait un esprit d'un si bon rapport, il avait le droit de dire tout ce qui lui passerait par la tête. Qui a bu, boira. Ainsi parle la sagesse des nations. Pulcinella voulut faire une étude comparative des bons vins d'Italie. Il goûta le Chianti, le Montefiascone, le Marsala, le Syracuse, et s'absorba si bien dans ce travail d'une haute portée qu'il cheminait d'ordinaire, trébuchant, vacillant, jambes de ci, jambes de là, fier comme Artaban et plus hardi que Matamor. En conséquence de quoi, un matin qu'il avait lampé le contenu d'une amphore datant du consulat de Dullius, il oublia un des proverbes qu'il chérissait le plus, à savoir que toute vérité n'est pas bonne à dire. Il s'en prit à son vieil ennemi, l'homme de la police, et déblatéra contre lui 2 heures durant, au grand plaisir de la foule qui gardait rancune au commissaire. Celui-ci fit son plaintif. Pulcinella, qui aura pu languir sur la paille humide des cachots, fut simplement condamné à briser ses tréteaux pour allumer son feu et invité à ne plus pérorer en public. Gazette vivante, on viola en sa personne le principe de la liberté de la presse, et nul ne songea à renverser pour si peu le trône du roi Bomba. Pulcinella ne gagna plus ni Grani ni Carlin et ne but plus le vin ambré de Chianti. Sa femme puisa dans la cruche où les piécettes s'entassaient. Quand la cruche fut vide, on vendit le superflu du mobilier, puis la maisonnette. Pulcinella ne gagna presque rien à faire la culbute sur le sable, à grimacer, à danser la tarentelle devant les sujets anglais qui venaient promener sur les flancs du Posilippe leur mine renfognée, leur spleen ou leur rhumatisme. Mais il n'osait pas reparaître sur les planches où naguère il débitait lestement tant et de si joyeux discours. Misère entra dans la maison. Misère est de ces hôtes qui prennent racine et ne veulent plus s'en aller. Au lieu de la demeure coquette, luisante où tout brillait, où des fleurs embaumées paraient les moindres réduits, Pulcinella n'avait plus pour asile qu'une cabane ouverte à tous les vents, sombre, triste, sans meubles, où les pleurs de ses garçons lui rompaient la tête du soir au matin, d'où il déguerpissait dès l'aube pour n'y rentrer qu'à la nuit tombée. Il courait les cabarets du port, buvant avec les matelots, ne songeant qu'à s'étourdir. Il jouait toute la journée et perdait à la mora ou au dé le peu d'argent que lui rapportaient ses jongleries. Les enfants manquaient de pain et Dame Polichinelle pleurait à les entendre crier la faim. Parfois, prise de colère, elle courait de guinguette en guinguette à la recherche de son mari. Un soir, elle le trouva assis à une table garnie de linge blanc, chargée de mets délicats et de flacons poussiéreux, égayant nombreuses compagnies par ses joyeux concerti. Elle se mit à l'accabler de reproches. « Quoi ? Vous n'avez pas de honte ? Vous riez et vous chantez pendant que je me consume dans les larmes ? Vous dévorez comme un ogre ? Vous buvez comme un demi-sang d'ivrogne et vos enfants, qui ne mangeaient hier que des épluchures de légumes ramassées au coin des bornes, jeûnent depuis 15 heures. Vous avez chaud, nous grelottons, vos amis vous complimentent, nos voisins nous injurient. » Pulcinella, fort pâle et très émue, voulut imposer silence à sa femme. Mais la frêle créature, exaspérée par la pensée des souffrances que ses enfants enduraient, tandis que leur père se plongeait dans les grossières jouissances de l'orgie, cria plus haut et plus fort. Les amis de Pulcinella raillaient cette commère vêtue d'un sac de toile bise et se moquaient de Pulcinella qui permettait qu'on le dérangeât dans ses plaisirs. Ce que voyant, Pulcinella rossa sa femme. La malheureuse fut épouvantée de voir où pouvait conduire l'ivrognerie, la gourmandise et la paresse. L'affreux bossu osait la frapper. Elle qui l'avait épousée par pitié, elle qui l'avait enrichie, elle qui l'avait ruinée, elle qui souffrait depuis 10 ans sans se plaindre. Il n'y a que la première lâcheté qui coûte. Chaque jour, désormais, lorsqu'il rentrerait, ivre à la maison, elle serait battue. Et comment célébraient les enfants ayant un pareil exemple sous les yeux? Quel respect aurait-il pour leur père, abusant de sa force, pour leur mère, toujours maltraitée, toujours outragée? Ah, Pippo, Zozo, Giannino, Tonio, Carlino, ne seront ni poètes, ni avocats, ni docteurs, ni artistes. Ils deviendront des bandits sans foi ni loi, sans feu ni lieu, des fainéants lazzaroni, des espions de police ou des voleurs, la lie de la ville populace. Comment oser leur parler de Dieu lorsqu'ils entendent les blasphèmes, les imprécations de leur père abruti par l'orgie? Dame Pulcinella remercia Dieu d'avoir pénétré dans le repaire où son mari l'avait si durement frappée. Elle bénit Dieu pour chacun des coups qu'elle avait reçus, car elle connaissait maintenant son devoir et n'hésitait plus à l'accomplir. Au matin, Pulcinella rentra chez lui, honteux et repentant. Mais ses repentirs périodiques ne sont qu'une des formes de l'hypocrisie. Il appela sa chère compagne, il appela ses 5 enfants l'un après l'autre. Personne ne répondit, la maison était vide. Où donc était-il? Où le blond Carlino aux boucles soyeuses, le noir Pippo, cuivré comme un pêcheur de Capri, le gentil Giannino qui gazouillait si doucement le cantique de Sainte-Lucie, ou l'espiègle Tonio, ou le Zozo, le mélancolique? Ou la mère au front pur, au front sourire, si bonne, si empressée, si affectueuse? Ou le crucifix de plâtre, qui veillait sur les 5 bottes de paille, humble couchette de ses indigents? Plus rien, la maison était vide. Pulcinella comprit. C'est une condamnation, murmura-t-il. Je suis indigne des caresses de mes petits. Dieu est juste. Il tomba évanoui sur la paille et resta jusqu'au coucher du soleil. Quelque temps après, il n'était bruit dans toute la ville de Naples que d'un fort grand seigneur qu'on nommait le comte Pulcinella. Il possédait palais dans la Strada di Toledo, vignes sur le Vésuve, villa à Sorrente, casino à Ischia. Les plus beaux chevaux du monde encombraient ses écuries. 10 barques, amarrées dans le port, lui appartenaient. Il semait l'or à profusion, donnait des fêtes somptueuses à la multitude des princes et des marquis, dansait à ravir, buvait à merveille, égrenait des chapelets de réparties spirituelles, entretenait des légions de peintres, de sculpteurs, de menuisiers, de courtisans, prêtait de l'argent à qui en voulait, sans reçu ni intérêt, comblait de magnifiques présents la tourbe de ses parasites, bref, menait l'existence fastueuse d'un Crésus. D'où venait-il? On disait que c'était un bateleur subitement enrichi par un héritage énorme, et c'était vrai. Mais on ne savait pas que ce Pulcinella, si brillant, si pompeux, si gai, affable, joyeux, avait au cœur une plaie toujours saignante. À cette heure, peut-être, sa femme et ses enfants mouraient de misère, et sans doute Carlino et Giannino eussent sollicité à 2 genoux la faveur d'entrer comme marmiton au palais du seigneur comte. Pulcinella pensait au bonheur qu'il eût goûté à Venise dans sa maison, au milieu des siens, loin du monde, loin de ses parasites qui le grugeaient et se moquaient de lui. Pour s'étourdir, il jetait ses richesses par la fenêtre. Il puisa même son trésor, éparpillant les ducats, faisant le magnifique, accablant tous les pauvres de ses aumônes. Et quand il s'enfermait dans sa chambre tendue en brocart, il jetait le masque. Et quand il s'étendait sur son lit d'argent massif, il éclatait en sanglots au lieu de dormir. Un jour, il donna une fête splendide. Il y parut couvert de pierreries. Ses 2 bosses étaient enchâssés dans une armure de rubis et de diamants. Il se pavanait, scintillant comme une étoile, recueillant avec dédain les compliments et les flatteries de sa cour. Une comtesse lui baisait la main, un duc effeuillait des roses sous ses pas, un comte portait la queue de son manteau, un banquier sténographiait ses jeux de mots, un poète composait des hymnes à sa louange, des harpistes l'escortaient de leurs mélodies enchanteresses, et chacun de l'aduler. Ah, seigneur comte, quelle merveille! Vous êtes plus beau qu'Apollon, plus robuste qu'Hercule, plus majestueux que Jupiter, plus poète que le vieil Homère, plus vaillant qu'Achille, plus savant que tout un concile, plus noble que le roi, plus luisant que le soleil, plus généreux que César. Vous êtes impeccable, infaillible, immortel. Ce sont des perles qui tombent de votre bouche, et le parfum qui s'exhale de votre chevelure est plus fin que le parfum de la cinnamome. Sur quoi Pulcinella détachait une à une les pierres précieuses qui constellaient ses habits et les distribuait à ses menteurs pour payer leurs mensonges. Beau, brave, noble, vaillant, généreux, lui, le bossu, l'édenté, le visage en lame de couteau, le battleur, le parvenu, l'ivrogne, le joueur. Amère dérision. Il n'eut bientôt plus sur son pourpoint que la petite croix d'or que sa femme lui avait donnée le jour de ses noces. Plus de vertes émeraudes, plus de saphir azuré, de spinelles de pourpre, de diamants aux mille facettes. Rien que cette pauvre petite croix brillant sur le velours cramoisi. Après le bal, on organisa la grande partie de Lansquenet. Un gentilhomme de Sicile, qui jalousait fort Pulcinella, entreprit de le ruiner. Ce Sicilien avait appris à corriger le hasard. Il proposa donc à son hôte un enjeu considérable, 100 000 ducats. La partie s'engagea. Pulcinella perdit le sourire aux lèvres. Quitte ou double, soit. Quitte ou double, comme il vous plaira. Quitte ou double, parbleu. Une demi-heure plus tard, le banquier s'approcha de Pulcinella et lui dit « Vous savez, mon cher comte, qu'il ne vous restait chez moi que 2 000 000 de ducats, oui ?»« À 7 heures, je n'ai plus une bayoque à vous. Ce gentilhomme a tout gagné. »« Bien, » dit Pulcinella, « je lui joue mes joyaux, mes meubles, mes barques et mes chevaux contre 1 000 000 de ducats. » Le gentilhomme y consentit et gagna. « Mon palais !» s'écria Pulcinella en fronçant le sourcil. Il perdit. « Ma vigne d'Ischia !»« Lansquenet, » dit le gentilhomme, « ma villa de Sorrente. » Les cartes furent battues. « Elle est à moi. » »« Mon casino. » »« J'en suis le maître. » À l'aurore, il restait à Pulcinella de sa fortune colossale que la petite croix d'or pendue à son cou. Il essuya son front baigné de sueur. « Je suis ruiné, » s'écria-t-il d'un ton morne. Alors tous ces gens qui célébraient ses louanges quelques heures plus tôt, ces gens qu'il avait dépouillés de ses bijoux, l'accablèrent de leur mépris. Le gentilhomme sicilien dit à Pulcinella, fou de rage, « Tout ce que vous avez perdu, palais, villa, domaine et argent, je vous le joue en un seul coup contre cette petite croix d'or qui brille sur votre habit. « Non !» dit Pulcinella avec rage. « Ruiné, » disait-on. « Eh, seigneur Pulcinella, comte de fantaisie, il vous reste vos bosses, votre esprit, votre méchanceté. Ce sont 3 instruments de fortune. Fi !» l'horrible gueux avec sa mâchoire saillante, son nez busqué, son menton pointu. « Eh, bouillant Achille, montrez vos talents !» « Incomparable Hercule, vous pouvez désormais soulever votre bourse à bras tendus. Bel Apollon, remontez au Parnasse. » Voyez-vous comme ces gens sont impitoyables, dit froidement à Pulcinella le gentilhomme sicilien. « Jouez donc votre croix d'or. Si vous regagnez tout ce que vous avez perdu, vous pourrez vous venger. » Pulcinella frissonna. Se venger de ces misérables qu'il insultait sans pitié, il allait céder. « Non, » dit-il, « je ne veux pas de revanche, et je ne rachèterai pas tous mes biens s'il les fallait payer du prix de cette croix. Elle me vient de ma femme, elle me rappelle mes enfants. Gardez tout. » Il sortit fièrement. Sur les marges du palais, il y avait une paysanne vêtue proprement et 5 beaux garçons bien campés qui portaient la veste de velours et le feutre enrubanné des vignerons. Pulcinella reconnut sa femme et poussa un grand cri. « Je sais tout, » lui dit la bonne dame qui se jeta dans ses bras. « Votre intendant m'a vendu ce matin la plus petite de vos fermes, là-bas, vers Caserta. Je l'ai payée du fruit de mon travail. » Venez-y, nous y vivrons dans l'heureuse médiocrité. N'êtes-vous pas guéri de votre folie ? » Pulcinella embrassa d'abord ses garçons, qu'il ne pouvait se rassasier de regarder tant ils avaient bonne mine. Il prit la main de sa femme. « Le bonheur est avec vous, » lui répondit-il. « Partons. » Ainsi s'achève le Bossu napolitain par Charles Buet.